Cool. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est encore une fois une saga des Fab Four en mode couvre-feu que je vous enregistre et sachez que elle avait été reportée cette saga, c'est une spéciale John Lennon et cette saga par contre, ça j'en suis sûr, c'est la dernière de l'année 2020, dernière. Il n'y en aura pas d'autre. Après, on passera en 2021. C'est la saga enregistrée numéro 18. C'est la saga numéro 477C. C'est pour couvre-feu. Et vous l'ouvrez en principe le 30 décembre pour les courageux à 20h. Et vous commentez sur la face, sur le groupe, sur la Facebook, oui, si on veut, sur le groupe Facebook de l'émission. Voilà. Au programme, bah, du Lennon. Un petit peu de Beatles aussi, oui, quand même, c'est normal, il faut rappeler le génie de Lennon du temps des Beatles. Et puis c'est tout, juste lui, puisqu'on devait lui rendre hommage début décembre, et puis bah, des choses ont fait que ça ne s'est pas déroulé comme ça. Vous voulez les premiers titres? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Le premier titre, ce sont les Beatles, et après, on passe assez rapidement à du Lennon après la séparation. Il y aura une cover, il y aura aussi un invité qui sera son propre fils, Julian Lennon. Pour le reste, on verra ça tout à l'heure, donc venez vite. Bah, vous êtes déjà, puisque vous avez ouvert le podcast, je suis certain que vous êtes sur le groupe Facebook, vous êtes prêts à commenter, et je vous en remercie. Je vous souhaite à nouveau, puisqu'au moment où je l'enregistre, c'est pas encore fait, un bon Noël, puisque au moment où vous ouvrirez ce podcast, ce sera pas encore tout à fait le réveillon, un bon réveillon de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine. Pour l'instant, on est ensemble pendant 2h01, puisqu'à l'origine, je devais le faire à la radio. Donc, il y a à peine 2 heures de programme. Et voilà. Et bien, à tout de suite. Premier album solo réel de John Lennon, et ce titre Mother dans la saga des Fab Four. Goodbye. Maman ne t'en va pas et papa revient à la maison. Je vous ai dit qu'il y aurait des Beatles au début, c'est pas faux, mais j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Plastic Ono Band, sorti en 1970. Mother, c'est cette chanson qu'on vient d'entendre. Un film d'horreur vu à la télé fourni à John Lennon, l'idée du glas dont le timbre menaçant que Phil Spector rend plus lugubre encore en ralentissant la bande, ouvre l'album. Et son premier morceau, Mother... John, qui voulait obtenir une interprétation viscérale, interrompit la séance d'enregistrement pour passer un rock furieux de Jerry Lee Lewis, All a Lot of Shaking Going On. John faisant remonter une grande partie de ses angoisses au fait qu'il avait été rejeté par ses parents. Il avait donc décidé qu'il était temps de se débarrasser de cet héritage encombrant en leur faisant à son tour ses adieux. Pourtant, durant le final torturé de la chanson, il supplie sa mère de ne pas partir et son père de revenir, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants. Les événements qui ont placé John dans un tel état de privation émotionnelle sont bien connus. Sa mère Julia ne se sentait pas capable de l'élever. À peine l'enfant né, elle quitta son père, qui était de toute façon généralement absent du domicile conjugal puisqu'il servait dans la marine marchande. L'enfant fut confié à divers membres de la famille pour des périodes prolongées. À l'âge de 4 ans, il fut finalement placé chez sa sœur aînée, la tante Mimi, et son mari George Smith. Il ne vit que rarement sa mère jusqu'à son adolescence lorsque la nature rebelle de Julia et sa gaieté la rapprochèrent de son fils. À l'époque, il devait se sentir plus proche d'elle que de la stricte et respectable tante Mimi. Il se mit à passer de plus en plus de temps avec Julia, qui encouragea son goût pour la musique en lui offrant sa première guitare. Mais à 16 ans, John vit sa réconciliation progressive avec sa mère cruellement et abruptement interrompue. En revenant d'une visite au domicile de sa sœur Mimi, Julia fut renversée et tuée par une voiture d'un policier qui n'était pas en service. John put dire plus tard « Je l'ai perdue ». Deux fois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les souvenirs de John et en voici d'autres. In My Life sur l'album Rubber Soul. There are places I remember. Forever. take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Toujours amusant chez les Beatles, c'est qu'on peut toujours affirmer quelque chose et puis dire son contraire très très vite. On peut dire par exemple que à partir de 67, Paul McCartney a pris le dessus sur John Lennon et a poussé les autres à venir bosser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, seulement Lennon n'a pas rien fait. La preuve avec ce titre à l'instant, Strawberry Fields Forever, qui n'est pas un tube. Non, c'est pas un tube, c'est un chef-d'œuvre. Lorsque John Lennon s'y mettait, il arrivait à avoir des éclairs de génie que peut-être Paul n'a pas. Par contre, Paul a des facilités pour trouver un air qui se retient que Lennon n'a moins. Et lorsque Paul arrive en studio, il sait là où il veut aller. Alors que lorsque John arrive en studio, il dit à George Martin « Alors, je voudrais que, c'était pour Tomorrow Never Knows, je voudrais par exemple que ma voix sonne comme si j'étais au sommet de l'Everest, faite par, je sais pas, une centaine de moines, blablabla, blablabla, voilà. Et vas-y, à toi, je te déposais le truc, débrouille-toi pour me faire une voix comme ça. » Et il y est arrivé, George Martin, mais c'est déjà plus compliqué. Donc, nous sommes dans les chefs-d'œuvre, on reste dans les chefs-d'œuvre. 1967 aussi, je suis le Morse. I am the Walrus dans la saga des Fab Four. The run line.

Je suis taquin parce que je vous ai mis la vraie fin de A Day in the Life qui va jusqu'à ce bruit bizarre là qu'ils font à la fin. Et je dois avouer, j'ai le souvenir d'avoir écouté A Day in the Life en 33 tours à l'époque, dans les années 80, quand je démarrais la saga des Fab Four. Et un jour, je l'écoutais au casque pour l'écouter encore plus fort, encore mieux, encore plus intensément, c'est le mot que je cherchais. Et puis j'ai laissé la fin arriver, le piano, là, les deux pianos en fait. Et puis j'entends... J'ai sursauté, je ne savais pas qu'il y avait ça à l'époque. Ça, je n'étais jamais allé jusque-là, j'avais arrêté le disque en pensant que c'était terminé. Donc voilà, c'était une petite plaisanterie des Beatles, comme ça, histoire d'embêter tout le monde. Et ça marche, parce que si vous ne l'aviez jamais entendu, ben là cette fois-ci, grâce à la radio... En théorie, puisque c'est sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr, mais là, c'est en mode confiné, donc je vous propose directement en podcast. Donc on a plus de temps, et ben je vous l'ai proposé en entier jusqu'au bout. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Plastic Ono Band de John Lennon. Et voici un autre titre, Look At Me, dans la saga des Fab Four, numéro 477. C'est pour couvre-feu. C'est une saga faite à la maison. Ok, yes, thank you. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Oh, just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Ce soir, on se fait plaisir dans la saga des Fab Four numéro 477 en faisant une saga spéciale John Lennon. Le voici en 1969 avec les Beatles et ce titre sur Abbey Road, I Want You, She's So Heavy, qui ne veut pas dire elle est si lourde, bien que Yoko Ono pourrait être lourde à l'époque, dans le sens désagréable, vous voyez, pas lourde au niveau kilo, mais au contraire, ça voulait dire qu'elle était si... Oh, j'ai pas envie de le dire pour Yoko Ono. Mais John Lennon voyait très bien ce qu'il voulait dire. I want you. I want you so bad. I want you. she's so. Not to go and I'm bigger on my bed, isn't it?

that she really does me. Really done me. Ooh, she done me. She done me good. Let Me Down et juste avant One After 909, qui ne sont pas issus de l'album Let It Be en 1970, mais qui sont que je suis allé chercher directement sur le toit avec les Beatles. C'est un moment pour vous dire que le film Let It Be, que j'ai vu dans les années 80, qui m'avait bien plombé l'ambiance, qui montrait un groupe en train de se désagréger, ben va ressortir sous le titre Get Back en 2021. Et ça va être encore une bombe parce que avec des heures et des heures de rush qui n'avaient pas été utilisées, je crois qu'ils ont parlé de 55 heures, mais il y en aurait plus que ça, eh bien, ils changent complètement, apparemment, l'ambiance du film, qui va passer de quelque chose de bien triste, un groupe qui se désagrège, à un groupe qui arrive à la trentaine, et qui va sûrement se séparer, mais qui s'aime bien quand même. Et ça se voit, on nous a montré une sorte de bande-annonce qui promet vraiment des grands moments de rigolade. Ça va être bien, ça va être très très bien. Allez, vivement, je ne sais plus quand, en 2021, pour qu'on puisse revoir ce film. C'est dingue, hein, 50 ans après, l'actualité des Beatles, ça marche encore. Donc j'ai raison de faire un sacré effort. On revient à l'album de la semaine, l'album Plastic Ono Band, sorti en 1970 aussi, avec cette chanson, Hold On. Gonna be alright. You're gonna win the fight. Hold on, Yoko, Yoko, hold on. It's gonna be alright. You're gonna make the fight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Power to the people. rend hommage à John Lennon ce soir dans la saga des Fab Four. Numéro 477, c'est pour couvre-feu, puisque c'est une saga enregistrée à la maison, tout simplement, que je vous propose le mercredi 30 décembre, si vous l'ouvrez juste à ce moment-là. Vous l'avez ouvert, ce podcast, à partir de 20h, et là, nous continuons la saga avec une chanson rare. Enfin, la chanson n'est pas rare en elle-même, mais c'est la seule fois où c'est John Lennon qui chante. Lorsqu'il a été invité en concert avec Elton John à monter sur scène parce qu'il avait perdu un pari, eh bien, il chantera « I saw her standing there » avec Elton John, et ça, c'est la seule fois où il le fait. Puis après ça, Yoko Ono et lui-même, John Lennon, se sont remis ensemble, blablabla, etc. Et tant mieux pour eux, parce que, bon, voilà, il aimait Yoko Ono, il avait le droit. Et surtout, elle a été sa muse, et il lui a consacré de très très belles chansons. Ça, c'est bien. Après, le côté artiste de Yoko Ono. Enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est Noël. Et donc, pour l'instant, tout le monde aime tout le monde. D'ailleurs, puisqu'on est entre les fêtes, je vous propose ce chant de Noël que j'aurais dû passer avant. Voici Happy Christmas, War is Over. Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so thank you. Okay. Proposer la dixième prise de cette chanson fabuleuse Imagine, celle que tout le monde retient, celle que certains pensent être des Beatles. Alors que non, c'est une chanson post-Beatles, 1971, de John Lennon. Tous les vrais fans le savent, c'est évident. On retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Plastic Ono Band, sorti en 1970, et ce titre, Love. Love is real. très belle chanson. Signé John Lennon en 1979. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles, même si eux font déjà une reprise déjà à l'époque, ou alors même John, Paul, Ringo, George après les Beatles. Et même si eux font une reprise également. Ça marche aussi dans ces cas-là. Bref, c'est quelqu'un de connu ou pas, et là c'est quelqu'un de connu, et c'est une origine que je vais vous proposer. La chanson « Ain't That a Shame », sortie par Monsieur Fats Domino, en 1955. Oh, c'est pas marqué sur ma playlist, j'ai oublié. Je crois que c'est 1955, et c'est une très belle chanson que je vous propose maintenant. On écoutera forcément la version de John Lennon 20 ans plus tard, en 1975, sur son album « Rock'n'Roll ». Voici la version de Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Still feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Still feel that rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. J'ai eu 2 minutes 16 pour chercher l'info sur Internet. Et bien sûr qu'on la trouve, l'info sur Internet. Cet extrait de l'album Rock'n'Rolling with Fats Dominoes. Et bien sûr, j'avais raison aussi, comme quoi j'ai de la mémoire, c'est sorti en 1955, Monsieur Fats Domino, et cette chanson-là. Je vous propose, rappeler la nouveauté de 2020, les fils d'eux, ceux qui ressemblent à ceux qui chantent comme. Bref, là c'est un fils d'eux. Fils de John Lennon, puisqu'on rend hommage à John Lennon. Julian Lennon, en 1984, sur son premier album solo, l'album Valot. Voici un titre que j'adore. OK for you, sur RIG en temps normal, sur 90.7 ou www.rigfm.fr. Mais là, c'est plus compliqué. C'est enregistré à la maison en mode couvre-feu et c'est proposé le mercredi à l'heure de l'émission. Mais c'est vous qui ouvrez le podcast sur Facebook et on commente également dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Nothing new. La chanson avait été écrite par son père, ça n'aurait pas été différent et elle aurait eu bonne place sur l'album Double Fantasy à la place, je sais pas, d'une chanson de Yoko par exemple. Je suis vache. Allez, John Lennon dans sa version à lui de Ain't That a Shame sur RIG. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Mais absolument! You made me cry when you said goodbye. That a shame. My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke version différente de Move Over Missile qui est sortie en 1975 en face B de Stand By Me, si je me souviens bien, sur le 45 tours. Nous continuons avec des versions légèrement différentes. Voici Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. Of Paradox. Moi j'aurais dit Paradise, ça aurait été bien, mais John Lennon avait envie de me contredire. Et c'est extrait de l'anthologie 3, The Lost Weekend, sorti en 1998. There's a break every time there. Yeah, no. Is anybody else playing through it? No, I thought it was you. Somebody was hanging over. Maybe his foot on the pedal or something. Are you keeping time there, Jim? No. On that break? Well, would you do it, Jim? All right. I don't know what you'd do it on. Something that you can take off later? Or... Yeah. Saga, right here on your radio with Barry Gale. God is a concept by which we measure. just believe in me. Local me. That's reality. Dream is over. What can I say? Avant-dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Plastic Ono Band, sorti en 1970. Tant Mother que Working Class Hero font partie des morceaux les plus impressionnants de cet album. God peut à juste titre être considéré comme le joyau de l'album. L'introduction en piano, qui se coule dans des accords majestueux, semble vouloir annoncer une déclaration d'importance. Et c'est ce qui arrive, car John Lennon nous offre alors la description la plus explicite de ses opinions et de ses perspectives à l'été 1970, deux mois après la séparation officielle des Beatles, confirmée par le départ de Paul le 10 avril. La chanson débute par une évocation assez cohérente de la pensée religieuse de John, pour qui Dieu est une abstraction qui réside en fait au cœur des humains eux-mêmes. Il insiste ensuite en répétant cette assertion. Et en fait le plus gros, il annonce ensuite tous les concepts de moindre importance en lesquels il n'est plus disposé à avoir foi. La magie, l'occulte, le mysticisme sont écartés. Jésus, Bouddha, les Kennedy, la monarchie, Elvis Presley et Bob Dylan, sous son vrai nom Robert Zimmerman, sont également rejetés, tandis que la chanson se poursuit et prend de l'ampleur à mesure que la liste se déroule. Mais le désaveu le plus puissant de tous, en un sens le plus choquant, est gardé pour la fin. Il ne croit pas, dit-il, aux Beatles. La litanie se termine abruptement pour faire place à une pause dramatique suivie de l'affirmation tranquille de la seule certitude qui lui reste. Il croit en lui-même, en lui avec Yoko. Le passage final est le plus poignant et il y a une annonce. The dream is over, le rêve est fini. Calmement et même froidement, il enterre le mythe des Beatles et conseille à tous les fans et membres du groupe, de le laisser en paix. John avait toujours mal vécu l'idée que Paul avait pris l'initiative de la rupture et insisté sur le fait que cette décision était venue de lui. L'annonce officielle de Paul l'avait pris par surprise. Si John ne pouvait être le premier à annoncer la nouvelle, alors il serait celui qui écrirait l'éloge funèbre. Dont acte, c'est avec cette chanson que les Beatles sont officiellement terminés. Et pourtant, les Beatles reviendront ensemble artificiellement en 1995 et 1996, notamment avec les anthologies et notamment avec cette chanson, Free as a Bird, dans la saga des Fab Four. La saga des Fab Four 477C, spécial John Lennon ce soir. Thank you. minute. La radio des Beatles. People say I'm crazy, doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings. Version différente de l'album Double Fantasy de 1980, vous la retrouvez sur la bande originale du film Funny People en 2009. C'était Watching the Wheels. Get it.

finit en beauté quand même, ce John Lennon, avec cette belle chanson « Just Like Starting Over ». Dire qu'il avait 40 ans et qu'il avait dit dans une interview « Je me sens bien, je suis débarrassé de mes démons et je pense que tout est possible, la vie est belle, la vie commence à 40 ans ». Bah oui, et c'est fini pour lui. Et ça, c'est comme ça. Et évidemment, c'est pas quelque chose qu'il souhaitait. Je vous propose la chanson que j'adore également, la reprise... enfin, c'est pas une reprise, c'est une chanson que George Harrison avait refusée pour l'Anthologie 3 de 1996, et on se demande pourquoi. Selon la légende, ce serait l'équipe de McCartney qui a fait fuiter cette chanson-là, parce que je ne sais pas s'il l'a terminée ou pas, mais même comme ça, elle va très très bien. « Now and Then » par les Threetles, donc John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison, et c'est très très bien, j'adore. Thank you. une chanson d'amour laissée par John Lennon, chanson universelle que vous me permettrez de dédier à Alexandra Pouyadou, qui est quelque part en Picardie. Et la chanson suivante, je lui dédie aussi, c'est extrait du même album, c'est I'm Losing You. Pour terminer cette émission, je vous propose de retrouver une dernière fois John Lennon en 1975 avec la fin de l'album Rock'n'Roll avec cette chanson Just Because. Lorsqu'il a été réédité l'album, ils ont rajouté Just Because reprise et sur cette reprise, il remercie ses trois complices de toujours. Écoutez, c'est très agréable et c'est bien de terminer la saga comme ça. I remember this. Why, I must have been 13 when this came out. Or was it 14? Or was it 22? I could have been 12, actually. to love you. I'm just gonna have to let you go. There's two bases in this, and I hope you appreciate it. This is Dr. Winslow Boogie, saying goodnight from Red Plant East Studio. We hope you had a swell time. Everybody here says hi. Goodbye. Ça se termine cette année aussi, donc je vais vous le dire tout doucement, hein, parce que j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite le meilleur pour 2021 et ce ne sera pas difficile par rapport à 2020. Donc rendez-vous l'année prochaine, début janvier, pour de nouvelles aventures, probablement encore à la maison. Mais on reste ensemble, hein, on communique et puis heureusement qu'ils sont là, les Beatles, John, Paul, Ringo et George. À très très bientôt. Salut. unknown.